You're listening to KUSF in Exile, San Francisco's community radio. Bonjour à vous tous, auditeurs de notre émission Samedi Culture sur les ondes de KUSF en exil. C'est Dominique Josepha qui vous parle. Notre invité d'aujourd'hui est Noël Ferrisset, qui est à tour de rôle acteur, musicien, qui écrit ses scripts et est même son propre metteur en scène. Il dit de lui-même qu'il fait reset en permanence et change constamment de casquette, d'où le pseudonyme de Ferrisset qu'il s'est choisi. Noël va de la conception à la réalisation de toutes ses vidéos et partage son talent sur le web avec les internautes. Noël Chana, dit Ferrisset, a la réputation d'être attachant et spontané et son audience augmente de jour en jour. La chaîne Ferrisset, c'est aujourd'hui plus de 70 vidéos, deux magnétos de 3 minutes chacun qui seront diffusés pour les fêtes de fin d'année sur Drôle d'animaux, une émission sur TMC. C'est aussi 3 millions de vues pour les chats ninja et 17 millions de vues pour toutes ces vidéos cumulées sur sa chaîne Parole de chat. Et c'est encore plus de 50 000 abonnés en 2011. Ferrisset a été lauréat au Cannes Lion en 2010 et gagnant du concours YouTube Next Up en 2011. Comme vous allez pouvoir le constater, le monde de Ferrisset, c'est l'humour derrière la confrontation entre le passé et le présent, des images en noir et blanc qui rappellent l'époque du cinéma muet, tout cela sur un fond de musique classique. Les chats et les furets, pour ne citer qu'eux, viennent peupler son univers. Noël crée avec son instinct, établit un contact avec les YouTubers et enflamme l'enthousiasme des internautes. Si cette émission vous a plu, rendez-vous sur youtube.com/ferrisset et sur youtube.com/ferrisset2. Et dans l'intervalle, voici l'interview que Noël Ferrisset vient de nous accorder. J'ai beaucoup ri avec tes vidéos, en particulier celle de youtube.com/ferrisset2 avec les animaux qui parlent. Et j'ai été intriguée par celle de youtube.com/ferrisset. Je n'arrive pas à imaginer comment tu peux réaliser tous ces rôles dans tes courts-métrages. Tu es l'acteur, le metteur en scène, le musicien, tu écris les sketchs. Si je ne me trompe, tu travailles en solo. Ça rêve de la magie. Alors, bah, ouais. Formation initiale. En fait, au départ, c'est que des histoires d'influence. Parce que moi, je suis une vraie éponge, en fait. Je regarde ce qui se fait, ce que j'aime. Je suis comme tout le monde, hein. Je vais au cinéma, je regarde ce qui se passe sur YouTube. Et puis, il y a à peu près 2 ans, je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Jack Conti, qui est un musicien qui vit à San Francisco. Et en fait, c'était ce qu'il appelle une vidéo song. C'est-à-dire qu'il joue de tous les instruments. Et il fait toute une chanson lui-même comme ça. Et dans sa vidéo, c'est multi-fenêtres. On le voit derrière la batterie, avec sa guitare, il chante, etc. Et en fait, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé ça sympa. C'était sur YouTube. Puis voilà, bon, sans plus. Puis 2 jours après, je me suis dit, mais ce mec est un génie. Je suis retourné le voir et j'ai eu envie de faire pareil que lui. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert Mystery Guitar Man, après Freddie Wong, et alors pour ce qui est, tout ça c'est pour les effets spéciaux et tout, et donc j'ai eu envie d'essayer moi aussi. Alors j'ai mis, comme par ailleurs, je suis très fan de tous les vieux films en noir et blanc, Charlie Chaplin, Buster Keaton et compagnie, et puis en France on a un monsieur qui s'appelait Georges Méliès, qui est en fait un magicien. J'ai vu la Lune dans un de... Voilà, c'est lui qui a fait le voyage sur la Lune. Mm-hmm. Et c'est un magicien de scène. Hein. Mais en même temps, il était fasciné par les nouvelles technologies. Et on parle des années 1900, hein, donc c'est vraiment le tout début du cinéma. C'est un pionnier des effets spéciaux. Il a inventé, par exemple, le fait que quand on a une image et puis mettons il y a un personnage et puis la seconde d'après le personnage n'est plus là. Mais en fait c'est lui qui a inventé cet effet spécial là, tout simplement par erreur parce qu'il s'était emmêlé dans ses bobines ou je sais pas quoi. Et puis alors voilà, donc il s'amusait et ben, moi j'ai eu envie de faire, influencé par tous ces artistes qui me fascinent, j'ai eu envie de faire la même chose mais à ma manière quoi. Et en fait, il y a 2 ans, je connaissais absolument rien du tout à la vidéo. Donc, c'est pour finir de répondre à ta question, je suis complètement autodidacte. Si en formation, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, j'ai fait du théâtre. Voilà. Bah, ça aide, c'est sûr. Et de toutes tes réalisations, quel type a le plus de succès actuellement ? Oh bah, c'est clairement les vidéos d'animaux qui parlent. Alors ça, il y a 2 influences majeures. Il y a Patrick Bouchitet avec La vie privée des animaux, qui, je suis vraiment un super fan de cette série. Je ne sais pas si tu connais. Non. Non, non. Oh bah alors non, là, ça va être un régal pour toi. Ah oui, alors là, tu vas te régaler. Hein. C'est la vie privée des animaux, ça s'appelle. Il doit y avoir 2 DVD, je crois. Et ensuite, je suis tombé sur la chaîne de Clatu. Clatu 42. C'est un Américain qui est... Un maître, un génie du doublage de vidéos d'animaux. Il est connu, hein. C'est lui qui a fait la fameuse vidéo de Ultimate Dog Teasing, qui a fait, je sais pas, 120 millions de vues sur voilà. YouTube. Donc c'est énorme. Et donc ce gars m'a donné envie de m'y mettre moi aussi. Alors, et puis en même temps, j'étais frustré parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de... J'avais envie de voir d'autres vidéos dans le genre-là parce que moi, ça m'amuse. Alors je me suis dit, bah, il n'y en a pas assez, je vais en faire moi. Comme ça, ça fera d'autres en plus. Et puis comme ça a plu, comme ça a fait rire les gens qui tombaient dessus. Ben, j'en ai fait une deuxième, une troisième, et puis là, c'est maintenant j'en suis à 40, et puis mine de rien, il y a quand même 16 millions de vues. C'est ce énorme. C'est ouais, oui, et puis ça continue. Ouais. Il y a eu un buzz au moment des chats ninja, ah oui. Qui est parti en vrille. En une semaine, ça avait fait 1 million de vues, et enfin, voilà. Donc, je suis content parce que d'un côté, je m'amuse. Et puis en même temps, ça plaît bien. Il y a comme une communauté qui s'amuse avec moi, quoi. Enfin, qui aime ce que je fais, je veux dire. Et qu'est-ce que les adultes préfèrent, en fait ? Est-ce qu'ils s'amusent avec les mêmes thèmes ? Et est-ce que les femmes ont les mêmes goûts que les hommes ? La sensibilité est différente, en fait. Je crois que là, pour le coup, on ne peut pas faire de généralité. Il y a un truc où on se retrouve quand même tous, toutes générations confondues. C'est le côté simple, authentique, direct, que peuvent avoir les animaux. Et moi, j'essaye de retranscrire ça. C'est-à-dire que quand je prends une vidéo, j'essaye de me fondre dans la gestuelle de l'animal. Donc, il y a un côté, direct, 100%. D'ailleurs, il y a un truc qui est génial avec les animaux, les chats, les chiens, c'est quand on les observe, ils sont tout le temps à 100% dans ce qu'ils font. Et ça, c'est une école incroyable pour tout acte. C'est-à-dire que quand ils sont tristes, ils le sont à fond. Quand ils sont joyeux, ils le sont à fond. Même quand ils sont... ils prennent cet air blasé parfois, certains chats, où ils vous regardent comme ça. Et en fait, c'est une école incroyable. Et donc... je ne sais même plus quelle était la question de départ. Voilà. Ah oui. Qu'est-ce que les gens aiment, oui, selon si c'est à quel âge et si ce sont des femmes et des hommes. Il n'y a pas de règle en fait. On ne peut pas faire de généralité. Ça dépend du thème de la vidéo. Ça dépend parfois je me plante aussi hein, quand je fais des choses mauvaises. C'est peu importe l'âge ou. Il faut simplement que la qualité soit là. Voilà. Si la qualité est là, c'est intergénérationnel. Ça peut même aller très petit. Hein. J'ai parfois des commentaires de maman ou de papa qui me disent « Ouais, on regarde tes vidéos avec mes enfants qui ont 2 ans et qui rigolent bien. » Ah oui, justement, c'était ma question suivante. Comment les enfants te voient-ils ? Bah, je crois qu'ils trouvent mon personnage plutôt sympathique. Déjà, visuellement, c'est accrocheur. la moustache, le chapeau haute forme et tout. Et puis quand c'est des vidéos d'animaux, là, la question se pose même plus. C'est comment dire, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement direct et spontané et évident en fait. Quand on voit un chat qui, quelle que soit l'action qu'il fait, si après moi j'arrive, c'est ce que j'essaye de faire, à trouver les bonnes intonations pour faire comme si c'était vraiment lui qui parlait, bah là c'est bon, là je gagne mon petit pari, quoi. Alors je voulais te demander aussi, dans le quiz du chat musical, la plupart des morceaux classiques choisis sont aussi appréciés par les enfants. Par exemple, Pierre et le Loup, Harry Potter, Au pays de Candy. Pourquoi ce choix musical ? Et du coup, ça complète la réponse à la question que tu as posée précédemment. C'est qu'à un moment donné, quand une œuvre, par exemple un morceau de classique, est bon, et, enfin, et, comment dire, il n'y a plus d'âge. Voilà. La musique nous emporte. On ne se pose même plus la question, quoi. Du Mozart, on le fredonne, du Prokofiev, peu importe l'âge qu'on a, si la qualité est là, et ça va de soi. Est-ce que tu es musicien toi-même ? Ouais, je suis musicien, mais très amateur. Hein. Je suis pas du tout. Je m'amuse, quoi. Je n'ai pas un bon niveau. Je triche beaucoup, d'ailleurs, avec l'ordinateur. Mais en même temps, j'ai quand même une petite oreille. Je sais ce que je veux, quoi. Quand j'essaye d'obtenir quelque chose. J'essaye de me donner les moyens d'arriver à le son que j'aimerais, le groove, le feeling, tout ça. Enfin, c'est amateur éclairé, voilà, on va dire. Il y a autre chose qui m'a intriguée. Pourquoi tous ces commentaires en anglais ? Est-ce ta passion pour la langue ? As-tu des affinités particulières avec les anglo-saxons ? Peux-tu expliquer ce qui te motive, ce qui motive ton choix ? Je trouve que l'anglais est une des langues les plus musicales du monde. Ça sonne bien, c'est agréable à écouter. Ma grande frustration, c'est que je ne suis pas très bon pour le parler, mais en même temps, je ne fais pas non plus beaucoup d'efforts. Parce que en fait, je suis un grand flemmard, mais ça ne faut pas le dire. Mais bon, je regarde, par exemple, en ce moment, je regarde toutes les séries, tous les films que je peux, je les regarde en VO. Et en fait, je comprends plutôt bien. À force d'écrire et de regarder ou d'écouter de l'anglais, je finis par le comprendre très très bien. Je suis capable de regarder des séries ou des films sans sous-titres. Je ne comprends pas tout, mais dans les grandes lignes, ça va. Par contre, c'est vrai que je pratique peu, c'est-à-dire que dès qu'il faut parler, je suis pas bien à l'aise. D'ailleurs, faut que tu saches que là, j'ai l'air, je parle, je dis plein de trucs, mais en fait, je suis pas un grand bavard. C'est peut-être parce que je te vois pas justement que tu dis tout ça. Peut-être. Ouais, peut-être. Et en regardant les vidéos, j'ai eu l'impression qu'il y avait parfois une place pour l'improvisation. Est-ce que je me trompe ? Oui. Non. j'essaye que tout soit il y a un acteur français que je vénère, que j'adore, c'est Louis de Funès, c'est un de mes modèles, et puis Jim Carrey aussi pour ce qui est américain, enfin il y en a plein, mais il y a un truc chez Louis de Funès et je pense aussi c'est Jim Carrey, c'est qu'ils ont à la fois un travail de précision et de calage au millimètre près, quand ils veulent une scène, ils vont la faire tourner, la travailler jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose qui soit pour eux parfait. Pour autant, ils ont une telle aisance dans le jeu, à force de travail et de génie, qu'au bout d'un moment, ça peut partir en impro et il peut y avoir le truc inattendu, la petite perle rare qui va faire que tu vois, il y a ces deux choses-là en même temps, en fait. Du coup, parfois, c'est vrai qu'on peut arriver à un truc, alors là, c'est hyper présomptueux de me comparer à des acteurs aussi grands, mais en tout cas, c'est vers ça que je tends. Ce côté à la fois hyper méticuleux, préparé. Si je sais que telle action va tomber sur telle note, je vais essayer vraiment de le faire au dixième de seconde près. Et puis parfois, comme on est quand même des déconneurs, eh ben, ça part en déconnade. Et puis parfois, au milieu de la déconnade, ben, on trouve un truc qui est super. Ben, par exemple, dans le chat musical, mon chat, à un moment donné, je l'embête, j'appuie sur la truffe avec mon doigt. Et en fait, elle a fait avec sa bouche, avec sa petite langue, elle a fait juste ça, tu vois, comme ça là. Et du coup, c'était pas du tout prévu. Et c'était tellement génial, ce petit moment, un peu pas. Enfin, ouais, que je l'ai inclus dans la vidéo parce qu'après, c'était facile de le caler comme un rythme. Et quand ça nous arrive à nous autres humains aussi, bah, c'est super. Absolument. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé les animaux qui parlent. Mais je me demande pourquoi les gros mots, comme tu dis, c'est le vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui, ou est-ce que tu veux prouver quelque chose ? Non, moi, les gros mots, ça me fait rire, en fait. Il y a un truc... Alors déjà, ce qui est génial, c'est les enfants, justement, qui, parce que c'est interdit, vont dire... c'est un plaisir, quoi. C'est-à-dire que... exemple, ma fille qui connaît le plus énorme gros mot qu'elle connaît, elle sait pas ce que ça veut dire. Mais elle va prendre un plaisir pas possible à le dire à voix basse dans l'oreille. Et là, c'est grave. C'est terrible. Et moi, je trouve ça génial. Parce que le gros mot a un pouvoir. Alors, ce qui est super aussi, c'est jouer sur les contrastes. Si par exemple, on a un personnage qui est très digne, très Arsène Lupin, dans le côté un peu, moustache, vieille France, un peu à la Jean Rochefort. Tiens, voilà, je cite des acteurs que j'aime bien, en fait. Arsène Lupin, c'est un personnage, mais le côté un peu, digne, c'est marrant. Et donc, pourquoi avoir fait carrément la vidéo sur les gros mots ? C'est encore une fois une question d'influence. C'est Patrick Bouchitet qui, dans sa vie privée des animaux, avait fait une vidéo comme ça. Et c'est gratuit, quoi. À la limite, on ne s'y attend pas. Et on se dit, on est déstabilisé. Et ça surprend. Au bout d'un moment, on rit peut-être parce qu'on est gêné, j'en sais rien, ou parce que c'est tellement énorme qu'on s'y attend pas, que voilà. Et donc, j'aime bien jouer sur ces registres-là, sur, de temps en temps, sortir un truc qui fait que... C'est pas le genre de truc qu'on verra ou qu'on entendra à la télé, en plus. Moi, je suis assez frustré par ce qu'on peut voir ou entendre à la télé. Je trouve ça, parfois... Ici, on coupe. On coupe, carrément. Voilà, alors il y a de la censure, etc. Et pourtant, je me censure moi-même. Hein. J'irai pas jusqu'à prononcer certains gros mots que je trouve vraiment trop... Pour too much, quoi. Ouais. Mais voilà, un bon gros mot bien placé comme il faut, ça fait toujours son effet, quoi. Ça détend, et puis ça, voilà, on est tous comme ça, je veux dire. On marche dans une crotte, on va jurer. C'est humain, et voilà, et c'est ça qui est bon. Rester l'humain, quoi. L'humain, enfin l'animal, le côté réel. Naturel. Simple, naturel, voilà, c'est ça. Les humains, et si c'est trop sophistiqué, et ben justement, c'est drôle de le mettre en contraste avec quelque chose de plus direct. Dans le foot et dans les autres vidéos, est-ce que c'est toi qui interprètes toutes les voix? Ouais, dans 95% des cas, c'est moi. Parfois, il y a ma fille qui a pu faire une voix dans, par exemple, Chaton Mignon. Ma compagne aussi qui a fait une voix dans l'échec et mat. J'ai essayé d'inviter d'autres youtubeurs un peu célèbres pour faire comme des guest stars. Et puis ils m'ont pas répondu, ça s'est pas fait. C'est dommage, ouais. Oui. J'ai vu aussi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de films qui sont pratiquement muets. As-tu la nostalgie du cinéma d'hier ou plutôt d'avant-hier? Oui. D'hier et d'avant-hier, les deux. Parce qu'en fait, il y a la vieille époque des Charlie Chaplin, sans aucune parole, que je trouve fabuleuse. Et puis après, deux ou trois générations après, enfin, je dis peut-être une bêtise là, mais il y a un acteur que j'adore aussi et qui s'appelle Louis Jouvet. C'est aussi un acteur français. Oui, bien sûr. Ma génération. Et donc, à l'époque, ça devait peut-être être plutôt ton père, je pense. Probablement, oui. Enfin, ouais. C'est à cette époque-là, on le voyait souvent. Très souvent. Lui, c'est une des clés pour comprendre mon personnage, en fait. C'est mon maître. C'est un de mes maîtres, un de mes modèles. Son côté pince sans rire, comme ça, droit. Peu sec. Sec, oui, c'est ça. Mais tendre. Et puis il est hilarant, il est carrément, il va dire un truc avec le plus grand sérieux du monde, et en fait tout le monde est mort de rire, quoi. Dans Dr Knock, par exemple, quand il explique en ouvrant la fenêtre qu'à une heure précise, il va y avoir 250 thermomètres qui vont pénétrer en même temps. Mais moi, ça me fait rire. C'est difficile d'être pris au sérieux par ses enfants quand son but professionnel est de faire rire les autres. Es-tu totalement différent en famille, dans le privé? Ouais, je ne suis pas pareil. Rien n'est simple. On peut pas, encore une fois, on ne peut pas faire de généralité. Mais dans les grandes lignes, je sépare les choses. Quand il faut dire, allez, c'est l'heure de se coucher, maintenant on rigole plus, il faut de l'autorité, quoi. Et là, c'est le père de famille qui prend le dessus. Pour autant, il y a des moments plus cool où on s'amuse ensemble et où je les invite dans mes vidéos et il y a des complicités et ça, c'est très agréable aussi. J'ai plusieurs facettes comme ça, quoi. Chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, et les vaches et les veaux seront bien gardées. Et pour te citer, si t'y crois, ça passera. Comment vois-tu ton avenir professionnel? Comment te vois-tu, par exemple, dans 5 ans? Comment je me vois? Ou 3 ans, si tu préfères. Avec un peu moins de cheveux. Comme tu as toujours un chapeau, ça ne doit pas être bien gênant. Je me vois en meilleure santé, si possible, avec une bonne patate pour pouvoir faire de l'acrobranche et du roller, qui sont deux activités que j'aime beaucoup. Bah, j'aimerais bien continuer. En fait, ça m'embête de dire ça parce que c'est la réponse formatée que tout le monde dit, quoi. C'est-à-dire, là, j'aimerais bien faire ce que je fais aujourd'hui en mieux. Mais en même temps, c'est ça. Je m'amuse bien. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien, ouais, continuer avec de meilleurs outils, plus de. Par exemple, je perds pas mal de temps à trouver les vidéos. Si par l'opération du Saint-Esprit, un coup de baguette magique, les vidéos géniales pouvaient venir à moi comme ça. Ce qui commence à arriver, en fait, d'ailleurs. Je dis ça, mais en fait, j'ai de plus en plus de fans et qui voient des vidéos. Du coup, parfois, je tombe sur des trucs que j'aurais pas trouvé tout seul. Et en fait, ça a déjà commencé. Ça donne dans des 5 idées. Ans, ça commence aujourd'hui. Eh ben, c'est formidable. L'ascension va être grande. Eh bien, ouais. Voilà. Merci, Noël Ferrissat. Voici venue la fin de notre samedi culture. Il me reste à te souhaiter une bonne continuation et un succès géant pour les années à venir. Bah, et à bientôt, gentil, j'espère, pour un autre entretien. Vous venez d'entendre Noël Ferrissat, que vous pouvez retrouver sur youtube.com Ferrissat et Ferrissat 2. Et bonne semaine à tous. Et c'est, oui, parole de chat, ou chat ninja, enfin, on trouve ça facilement. Merci beaucoup, Dominique, et un grand bonjour à tous les Américains, les Américaines. Les auditeurs francophones. Les auditeurs francophones, les gens du monde entier. Merci beaucoup. Et les extraterrestres aussi. Ne pas les oublier. Oui. Et merci, et à bientôt. À bientôt, merci. Thank you.